Section 40 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 9, deuxième partie, Institution des royaumes ibériques. Suite. Par Georges des Devises du Désert. Navarre. La Navarre n'avait ni grande cité, ni opulent seigneur. C'était un pays de petits propriétaires et de paysans, où les droits de chacun étaient passablement définis par des fueros libéraux et observés à la lettre. Dans le courant du XIVe siècle, les rois français de la maison d'Évreux introduisirent en Navarre un certain nombre d'institutions françaises. Mais ces réformes furent surtout administratives et n'altérèrent pas le caractère national de la législation. Le clergé navarrais était pauvre. Son chef, l'évêque de Pampelune, n'avait pas 3000 ducats de revenus et son autorité ne s'étendait même pas sur tout le territoire du royaume. Les monastères de Navarre avaient presque tous une grande réputation. Roncevaux relevait directement du pape. Fitero était la maison mère de l'ordre de Calatrave. L'air avait eu rang d'évêché pendant l'occupation de Pampelune par les Sarrasins. Mais tous ces couvents étaient bien loin d'avoir les revenus des grandes abbayes castillanes. Peu riche, le clergé de Navarre était peu influent, d'autant que les Navarrais gardèrent longtemps vis-à-vis de l'Église une grande indépendance d'esprit qui se traduit par un grand nombre de dispositions particulières du fuero. Les clercs ne furent exempts de toute servitude réelle qu'à partir de 1450. La noblesse comprenait à l'origine trois degrés, les infanzones ou fidalgos, les chevaliers et les ricombres. Le chevalier ne fut pendant longtemps qu'un fidalgo plus riche qui vivait militairement au lieu de cultiver ses terres en gentilhomme campagnard. Plus tard, le titre de chevalier finit par devenir héréditaire dans certaines maisons nobles, et le manoir de ces chevaliers prit le nom de Palazzo Cabo de Arberia. Les ricombres étaient de puissants chevaliers, auxquels le roi conférait, sous le nom d'honneur, un gouvernement important. L'honneur et le titre de ricombre n'étaient concédés que pour la vie. Tous les nobles jouissaient d'importants privilèges. Le roi n'avait sur leur terre d'autres droits que la haute justice et l'appel. La garde des châteaux royaux ne pouvait être confiée qu'à des nobles. Tous les nobles étaient exempts de toute servitude de corps et de toute taxe roturière. Les chevaliers avaient un costume particulier. Les ricombres exerçaient le droit de gîte dans les villages soumis à leur autorité. Les non-nobles avaient une condition bien différente suivant qu'ils habitaient les villes, les vallées de la montagne ou le plat pays. Dans les villes, les francos ne relevaient que du roi et lui payaient un léger tribut sans lequel on les eût confondus avec les fidalgos. Les vallées de la montagne formaient des associations puissantes au sein desquelles la liberté individuelle avait pu se maintenir. Dans le plat pays, les vilains relevaient tous du roi ou de l'église ou d'un seigneur. Ils faisaient partie du domaine sur lequel ils étaient nés. Ils avaient à payer de nombreuses redevances. Ils devaient la corvée à leur seigneur ou au roi, quelquefois même au roi et au seigneur. Cependant, si malheureuse que fût la condition des vilains de Navarre, ils n'étaient ni taillables ni corvéables à merci. Les fueros déterminaient minutieusement leurs obligations et leur reconnaissaient quelques droits élémentaires dont ils ne jouissaient pas en tout pays. Leurs champs étaient protégés, leurs foyers respectés. On n'attentait pas impunément à leur vie ou à leur honneur. Le gouvernement du royaume appartenait au roi, la monarchie était héréditaire et élective. Le roi devait surtout veiller à la défense du pays et au maintien du fuero. Il devait avoir une bannière et un sceau royal. Dans les circonstances graves, il requérait le conseil des ricombres, los doce sabios de la tierra. Les Cortés, qui avait commencé à être convoqué vers le milieu du XIIe siècle, prirent à partir du XIVe siècle tous les caractères d'une institution régulière. La situation du clergé ne changea guère, malgré les mœurs dévotes des princes d'Évreux, parce qu'il ne put s'enrichir notablement. Toutefois, les clercs exercèrent peut-être plus d'influence qu'autrefois dans les conseils du roi. Le roi prit l'habitude de se faire sacrer par l'évêque de Pampelune, et le rôle de l'Église s'en trouva grandi. La vie de la noblesse fut plus profondément atteinte. La ricambria disparut à peu près complètement, et on commença à faire usage des titres français de comte et de baron. Les rois réservèrent ces titres pour les branches bâtardes de leur maison, ou pour les maisons nobles alliées à leur famille. Ils créèrent également de grandes charges héréditaires, comme la connétablie et le maréchalat. Ils soldèrent une nombreuse garde particulière. Ils seraient certainement parvenus à rallier presque toute la noblesse à leur politique sans la funeste rivalité des Navarres et des Beaumont. À la fin du XVe siècle, le servage avait à peu près disparu en Navarre et les rois avaient conféré la noblesse à un sixième de leurs sujets. Ces nouveaux nobles, ou infanzones de carta, ne jouissaient pas, il est vrai, de la même considération que les fidalgos de naissance, mais ils jouissaient exactement des mêmes privilèges. L'effet utile de la noblesse était le même pour l'anobli que pour le noble. Les réformes des rois de la maison d'Évreux avaient surtout porté sur l'administration générale du royaume. Le roi s'était entouré d'une cour et d'un appareil de plus en plus majestueux. Charles le Noble s'était bâti à Olite un palais splendide. Les dépenses de la maison royale atteignaient 45 000 livres par an. Pour subvenir à ces grandes dépenses, les rois avaient introduit en Navarre l'impôt castillan de l'alcabala, ou droit du 20e sur les ventes, et à partir de la fin du XIVe siècle, ils demandèrent aux Cortes des aides extraordinaires, appelées quarteles ou quartiers, qui pesèrent lourdement sur la nation. Ces aides devaient être payées par tous. Nul n'en était exempt, du moins en principe. Charles le Mauvais réorganisa encore le Conseil royal à l'imitation de celui de Castille. La Corte Mayor offrit quelques traits de ressemblance avec nos parlements. Et la Chambre des comptes de Navarre, organisée sur le modèle de celle de Paris, devint l'un des principaux rouages du gouvernement royal. Les rois essayèrent aussi d'établir l'unité de législation dans le royaume. En 1302, 9 commissaires réformateurs furent envoyés en Navarre par Philippe le Bel. Il est probable que la compilation législative, connue sous le nom de Fuero General, est sortie de leurs mains. Mais ce code ne put jamais prévaloir sur les fueros particuliers, et les rois qui le conservaient dans leurs archives ne purent jamais arriver à lui donner force de loi. Ils ne furent pas beaucoup plus heureux avec leur projet de réforme du fuero. Leurs améliorations, amejoramientos, furent généralement repoussées par les Cortes. Les Navarrais aimaient leurs lois primitives et ne voulaient consentir à aucune innovation. Aragon. Les institutions aragonaises présentaient à l'origine les plus grandes ressemblances avec celles de la Navarre. Car l'antique fuero de Sobrarbe avait été la loi primitive des deux pays. Mais l'Aragon s'était étendue par la conquête sur les Maures et le comté de Barcelone avait été réuni à la couronne aragonaise en 1137. Ces deux faits exercèrent la plus grande influence sur le développement des institutions nationales. Avec la conquête vint la richesse. Chaque ville conquise était divisée en quartiers ou barrios, dont les ricombres se partageaient la jouissance, à charge de les défendre contre les Maures. Les ricombres aragonais devinrent ainsi possesseurs de domaines considérables et rappelèrent par plus d'un trait, sans toutefois jamais les égaler en richesse, les grands seigneurs de la Castille. Ce qui leur manquait du côté de l'opulence, ils le rachetaient par un esprit politique beaucoup plus développé et une obstination qui est passée en proverbe. Ferdinand le Catholique a très bien fait ressortir la différence qui existait entre les nobles aragonais et ceux de Castille, en disant qu'il était aussi difficile de désunir les uns que d'unir les autres. Réduit à lui-même, l'Aragon eût été le pays le plus aristocratique de l'Espagne. Mais la réunion de la Catalogne mit les Aragonais en relation quotidienne avec les Catalans, riches marchands, hardis marins et d'esprit tout républicain. À ce contact, les Aragonais gagnèrent des idées démocratiques qui firent toujours défaut à leurs voisins castillans et qui donnent à la société aragonaise une physionomie absolument originale. Nulle part, l'orgueil aristocratique ne se montra plus intraitable et nulle part on ne vit un pareil sentiment du respect dû à la loi et à la liberté individuelle. On a vu plus haut les luttes de Pierre III contre ses sujets formés en union, 1283, et l'octroi forcé du privilège général. Les Ricambres d'Aragon obtinrent de son successeur Alphonse III, en 1287, la reconnaissance formelle du droit à l'insurrection. Que le moindre de leurs privilèges fut mis en question, et la révolte légale commençait. L'union, c'est ainsi qu'on appelait l'ensemble des rebelles, avait son étendard de guerre, son sceau de justice, son conseil et son armée comme le roi. Les principaux seigneurs de l'Union remettaient leur château entre les mains des magistrats élus, appelés conservateurs, qui veillaient à empêcher toute défection. Le roi n'avait d'autre droit que de se défendre. Il était généralement vaincu, tous les nobles se considérant comme solidaires et s'unissant contre lui. L'Aragon comptait d'autre part de puissantes cités qui jouissaient de privilèges encore plus étendus que les communautés castillanes. Saragosse avait un conseil de 15 jurats électifs, un conseil de la cité de 35 citoyens élus de la même manière, et, dans les cas les plus graves, on ouvrait les portes de la salle du conseil et tous les bourgeois étaient admis à délibérer avec les jurats. Il fallait au moins 100 bourgeois pour que l'Assemblée pût prendre une résolution valable. Trois villes d'Aragon, Daroca, Calatayud et Teruel, étendaient leur juridiction sur tous les bourgs des environs et formaient comme de petits états ayant leurs lois, leurs revenus et leurs vassaux. Plus d'une fois, Saragosse et Valence se révoltèrent contre le roi et entrèrent dans l'union contre lui. Guillaume de Vinatea, un des jurats de Valence, osa tenir tête au roi Alphonse IV, 1327-1336, qui voulait faire, au préjudice du domaine royal, des donations inconstitutionnelles et proclama devant lui le principe fuériste de l'immuabilité de la loi. Quelle vigueur, quelle force, quelle autorité auront les lois si on ne les établit aujourd'hui que pour les changer demain? Cependant, le privilège d'union condamnait l'Aragon à une anarchie perpétuelle. Les rois finirent par le supprimer. Vainqueur de l'union à la bataille d'Épile en 1348, le roi Pierre le Cérémonieux lacéra à coups de dague en plaide Cortès l'acte de concession du privilège qu'avait autrefois signé Alphonse III et l'histoire d'Aragon prit dès lors un tour moins violent. L'abolition de l'union ne marqua point d'ailleurs la fin des libertés aragonaises qui demeurèrent sauvegardées par les Cortés et par le Justicia. Les Cortés avaient, en Aragon, une importance beaucoup plus grande qu'en Castille et qu'en Navarre. Elles avaient une véritable autorité législative, elles intervenaient dans l'administration de la justice. Elles connaissaient des plaintes formées contre les agents royaux. Enfin, elles devaient légalement être convoquées au moins tous les 2 ans. Elle se composait de députés des 4 ordres de l'État, clergé, ricambres, nobles et communes. Les ricambres étaient représentés par les chefs de 8 maisons nobles mentionnées par le fuero lui-même. Les députés des communes représentaient 10 cités, 3 communautés, Daroca, Calatayud et Teruel, et 18 bourgs. Dans l'intervalle des sessions des Cortés, une commission de permanence composée de 8 personnes, 2 de chaque ordre, veillait au maintien des fueros et à la rentrée des deniers publics. La prérogative royale était assurément resserrée dans d'assez étroites limites par les pouvoirs des Cortés, de la députation et du Justicia. Cependant, on irait beaucoup trop loin si l'on pensait que le roi fut réduit au simple rôle de chef du pouvoir exécutif. Et quand le monarque avait quelque valeur personnelle, il exerçait encore une grande et prépondérante influence sur le gouvernement. Les rois eurent incontestablement une très grande part dans la formation des lois aragonaises. James le Conquérant présenta au Cortés de Huesca, en 1247, un code de législation complet, comprenant 384 lois divisées en 8 livres, et qu'il avait fait rédiger par l'évêque de la ville. Le code de Huesca est demeuré la base du droit aragonais qui s'est formé par juxtaposition, chaque roi ajoutant quelque chose au code primitif. En 1404, le code aragonais comptait 15 livres. À partir de cette date, les lois s'ajoutèrent les unes aux autres par cahiers, formant chacun un tout séparé. En 1547, on comptait 19 de ces cahiers lorsqu'on se décida à publier l'ensemble de la collection. Presque toutes les lois dont il s'agit avaient été votées en Cortés, mais sur la proposition du roi qui les avait faites élaborer sous ses yeux. Catalogne. L'autorité royale était beaucoup plus limitée en Catalogne qu'en Aragon. Partie principale de la Confédération aragonaise, la Catalogne contribuait pour moitié aux dépenses générales, mais elle formait une sorte de république très jalouse de ses droits et ne voyait guère dans le roi d'Aragon qu'un président héréditaire. Elle se distinguait de l'Aragon par sa langue, qui est un dialecte du Midi français, très proche du Limousin. La nation se divisait en un certain nombre de classes qui formaient une hiérarchie assez compliquée. Mais toutes ces classes étaient largement ouvertes. On pouvait passer de l'une à l'autre, il n'y avait pas à proprement parler de caste. L'ordre militaire comprenait les hauts seigneurs ou magnates, les chevaliers et les hommes de parage. Les hauts seigneurs de Catalogne portaient le titre de comte ou de vicomte. On appelait comitores ou valvasores les seigneurs bannerets qui commandaient au moins à 5 chevaliers. Les chevaliers composaient le second degré de la noblesse et jouissaient de nombreux privilèges. On en a compté jusqu'à 28. Les hommes de parage descendaient des guerriers que le comte Porel II avait appelés jadis à son aide contre Almanzor et auxquels il avait fait part égale lors de la répartition des terres conquises sur les Sarrasins. L'ordre populaire, statement popular, estado illano, se composait des bourgeois et des paysans. Les bourgeois se divisaient à leur tour en 3 classes, manos, les propriétaires, les avocats, les médecins formaient la haute classe. Les grands industriels et les négociants, la classe moyenne. Les gens de métier, la basse classe. Chaque année, les bourgeois élisaient quelques-uns d'entre eux auxquels on conférait le titre d'honorable, honrats. Toutes les classes bourgeoises étaient représentées dans le gouvernement. Le bourgeois qui achetait une seigneurie avec privilège de justice devenait noble. Le roturier, qui vivait noblement, était chevalier. Par contre, le fils de noble, donzel, ne jouissait plus des privilèges de la noblesse si, à 30 ans révolus, il n'avait pas encore embrassé la carrière des armes. C'était là de bonnes lois, et la société catalane aurait été fondée sur des bases vraiment rationnelles si, au-dessous de ces hommes libres, n'eussent végété 20 000 familles de serfs, réduits à la plus dure condition. Les serfs, la plebe rustica, los hombres de a pie, los pages de remensa, vivaient attachés à la glèbe et étaient soumis à une dure législation féodale, connue même en Catalogne sous le nom de « mauvais usage ». Les serfs catalans ne furent affranchis qu'en 1486 par Ferdinand le Catholique. Les institutions politiques présentaient la plus grande ressemblance avec celles d'Aragon. Les Cortés devaient être convoquées tous les 3 ans. Les lois catalanes avaient donné à la liberté publique quelques garanties de plus qu'en Aragon. Les députés des communes étaient élus par tous les chefs de famille, sans distinction d'âge, de profession ni de fortune. L'élu recevait de ses électeurs un mandat impératif, révocable en cas de faute lourde ou de grave désobéissance. À Barcelone, une commission consultative de 24 membres siégeait en permanence pendant toute la durée des Cortés et dirigeait les votes des députés de la cité. Le roi n'avait pas le droit de changer arbitrairement le lieu de réunion des Cortés désigné par lui dans l'acte de convocation. Il ne pouvait, sans le consentement des députés, les transférer dans une autre ville pendant la durée des sessions. Il ne pouvait dissoudre l'Assemblée avant qu'elle eût réglé toutes les affaires pendantes. Les Cortés avaient le droit de s'occuper des intérêts généraux du pays et d'émettre des vœux à leur sujet. Comme en Aragon, une commission de permanence veillait au maintien des libertés de Catalogne dans l'intervalle des Cortés, mais les pouvoirs de la généralité de Catalogne étaient bien plus étendus que ceux de la députation d'Aragon. La généralité était composée de 3 membres, élus pour 3 ans par les Cortés, et de 3 auditeurs des comptes. Elle siégeait à Barcelone, sous la présidence du député du clergé, et tenait au moins une séance par jour. Les députés recevaient un traitement et jouissaient de privilèges honorifiques considérables. La généralité veillait sur les libertés publiques et devait poursuivre dans un délai de 3 jours tout attentat commis contre les droits des citoyens. Elle assurait le maintien de l'ordre à l'intérieur. Elle prenait, en cas de péril extérieur, les premières mesures de défense. Elle avait la surintendance de la flotte placée sous les ordres d'un de ses officiers, le Drissaner del General. Elle avait le droit de convoquer les Cortés en cas d'urgence. Elle recevait les serments des officiers royaux, interprétait les lois, entretenait les édifices publics, gardait les archives des Cortés, affermait les impôts d'État, appelée Drets del General. Elle avait ses officiers à elle, qui jouissaient des mêmes honneurs que les officiers royaux. Elle avait un représentant dans chaque ville, le député local, qui correspondait directement avec elle, et la renseignait sur tous les incidents et tous les mouvements d'opinion qui venaient à se produire. La Catalogne n'avait pas de justicia comme l'Aragon, mais le tribunal suprême des proviseurs des griefs était chargé de réprimer tous les abus de pouvoir commis par les officiers royaux. Les proviseurs prêtaient serment à leur entrée en charge et juraient de juger conformément à la lettre de la loi. Ils consentaient à encourir l'excommunication dans le cas où ils commettraient eux-mêmes un abus de pouvoir. Ils tenaient 2 séances par jour, et toutes les affaires qui leur étaient soumises par ordre des Cortés devaient être jugées dans un délai de 10 mois. L'Aragon avait perdu le privilège d'union, la Catalogne avait conservé le procès de Somatent. C'était une voie d'exécution rapide et efficace pour empêcher les arrestations arbitraires, pour punir les crimes entraînant une peine corporelle ou les attentats commis sur les chemins publics. Tous ceux qui avaient connaissance de semblables faits devaient en avertir le viguier du ressort. Le viguier réunissait le conseil de la cité, prenait son avis par écrit, puis il paraissait au balcon de la maison de ville et déployait la bannière municipale au cri de « Via Fora, Somatent !» Les cloches sonnaient, la bannière était promenée à travers les rues, tous les hommes en état de porter les armes étaient tenus de la suivre et de partir avec le viguier pour se mettre à la poursuite du malfaiteur. Aucun asile ne s'ouvrait devant lui, ni église, ni monastère, ni château ne le protégeait, et l'armée du Somatent ne s'arrêtait que lorsque le criminel était entre ses mains. Dans les cas les plus graves, le Somatent était proclamé à la fois dans toutes les villes catalanes. Il prenait alors le nom de sacramental et amenait une véritable levée en masse de toute la population. Les institutions municipales étaient plus fortes encore en Catalogne qu'en Aragon. Barcelone était une véritable république. Elle étendait sa juridiction sur 9 villes. Elle eut, dès 1430, une université qui comptait 32 chaires. En 1444, elle obtint le droit de battre monnaie. Le viguier et le bailli de Barcelone recevaient des honneurs presque royaux. Ils étaient assistés d'un conseil de 5 membres, élus par les bourgeois. Ces 7 personnages élisaient à leur tour 2 citoyens et les convoquaient dans les circonstances difficiles. Le conseil des 100 était un véritable sénat municipal. Les autres cités de Catalogne, Gironne, Lérida, Tarragone, Vich, Cervera, avaient des privilèges analogues. Les noms des magistrats changeaient d'une ville à l'autre, mais les libertés restaient les mêmes. Les lois étaient plus simples encore qu'en Aragon. le fuero jusco avait été la loi primitive de la principauté. Dès la fin du XIe siècle, on voit apparaître les usages « usaces usaticos » rédigés en 1068 par ordre de Raymond Béranger le Vieux. En 1258, James le Conquérant défendit de citer devant les tribunaux la loi romaine ou la loi gothique. Elle ne reconnut force de loi qu'aux usages. Vers la même époque, Guglielmo Bottet rassembla et fit connaître les coutumes de l'Érida. Un autre jurisconsulte rédigea le livre des coutumes de Tortosa. Le chanoine Pierre Albert écrivit les coutumes générales de Catalogne. Au XVe siècle, Thomas Mier ajouta à la liste de ses travaux les coutumes de Gironde. À côté de ce droit local, se développa le droit royal, applicable comme les usages à toute la Catalogne. Les rois d'Aragon promulguèrent aussi pendant 3 siècles des constitutions approuvées par les 3 ordres des Cortés. Des actes de cour approuvés par un seul ordre de Cortés, des pragmatiques expédiés à la requête d'un simple particulier, des sentences royales et arbitrales. En 1413, Ferdinand Ier ordonna de traduire en catalan les usages, les constitutions et actes de cour, et en forma une vaste collection législative qui est restée la base du droit civil catalan. Le droit commercial doit encore à Barcelone un de ses plus anciens monuments. Vers l'année 1238, de vieux prud'hommes de mer se réunirent à Barcelone et coordonnèrent les coutumes nautiques de la Méditerranée et du Levant dans un livre qui est devenu, avec quelques additions postérieures, le livre du consulat de la mer. Ce code célèbre fut adopté par presque toutes les nations maritimes de la Méditerranée. Il fut pour cette mer la loi par excellence, comme les rôles d'Oléron l'étaient pour l'océan. Barcelone était, vers la fin du Moyen-Âge, l'un des grands entrepôts de la Méditerranée. Elle avait un port fortifié, des chantiers de construction, de vastes magasins, une douane, une bourse, 1379, un consulat, une banque, des dépôts de marchandises étrangères et un magnifique arsenal construit au XIVe siècle aux frais de la ville. La marine était l'occupation favorite des Catalans. Leurs navires à 2 et à 3 ponts, leurs galères, galets, galéas, coques et caravelles étaient estimés pour leur légèreté. Les marchands de France venaient souvent fréter des navires catalans pour le voyage d'Alexandrie ou de Flandre. Les rois d'Aragon avaient favorisé de tout leur pouvoir l'essor du commerce de Barcelone. Ils lui avaient accordé de grands privilèges. Ces navires pouvaient entrer et trafiquer dans tous les autres ports des États aragonais sans payer aucune taxe. En 1321, James II étendit la même franchise aux ports de Corse et de Sardaigne. Une cédule royale de 1347 établit définitivement à Barcelone un tribunal consulaire. L'esprit d'entreprise des Catalans fut excité par les conquêtes maritimes des rois d'Aragon, Majorque, la Sardaigne, la Sicile. Dès la fin du XIIIe siècle, les marins de Barcelone trafiquaient dans les ports de Barbarie, d'Égypte et de Syrie, où ils avaient des consulats. Dans l'île de Chypre, le commerce catalan était protégé par les privilèges des rois lusignans et plusieurs fois la marine catalane secourut les rois de Chypre attaqués par les Génois. Les Ferreas de Barcelone possédaient toute une ville de Chypre, Coloso. À Rhodes, à Candie, en Morée, à Raguse, les Catalans avaient des loges et des entrepôts de commerce. Leurs relations avec l'Empire grec se ressentirent de leur rivalité avec Gênes. Les Génois, qui avaient restauré l'Empire grec à Constantinople, essayèrent d'en chasser les Catalans. Ceux-ci ne paraissaient pas avoir pénétré dans la mer Noire, mais ils commercèrent dans tout l'archipel, soit comme négociants, soit comme corsaires. D'intrépides marins barcelonais couraient sus aux navires génois ou vénitiens qui revenaient de Constantinople et d'Égypte, chargés d'épices et de marchandises d'un grand prix. En 1416, le grand maître de Rhodes dut composer avec le corsaire Pedro Santon et lui payer 15 000 ducats de rançon pour les prises qu'il avait faites sur les Vénitiens le long de la côte de Syrie. Au XIVe siècle, la grande compagnie catalane terrifiait l'Orient grec, latin et musulman. Il fallut, pour arrêter la prospérité commerciale de Barcelone, que l'Égypte tombât aux mains des Turcs et l'Espagne aux mains de Philippe II. Mais les Catalans ont gardé toute l'intelligente activité de leurs ancêtres. La Catalogne contraste aujourd'hui de la manière la plus frappante, par son industrie et sa richesse, avec toutes les autres provinces d'Espagne. Variété des institutions ibériques. On voit quelle variété présente, dès la fin du Moyen-Âge, les divers états de la péninsule, avec un fond commun d'institutions, des langues dérivées d'une même source, une race à peu près identique. La Catalogne nous montre un peuple énergique et entreprenant, et des institutions presque républicaines. L'Aragon est un pays de communes et d'aristocratie, toujours prête à s'armer pour la défense de ses privilèges. La Castille a de riches seigneurs ecclésiastiques ou laïcs et de puissantes communes, mais l'esprit politique lui fait défaut. Aucun lien ne rattache entre eux les divers membres de l'État. Tout est confusion et anarchie. La Navarre, pauvre et isolée, reste à l'écart des autres nations espagnoles et ne vit plus que par son fuero. Le Portugal lutte péniblement contre l'Église qui prétend l'asservir après avoir présidé à sa naissance. Il est déjà facile de reconnaître la division fondamentale de l'Espagne en pays fuéristes, invariablement attachés à leurs droits, et pays castillans, où les idées nouvelles, se trouvant en présence d'institutions moins fortes et moins populaires, pourront plus facilement pénétrer. La civilisation de la péninsule. On continue, dans toute la péninsule, les constructions d'églises, de monuments civils et militaires. On met 2,5 siècles à bâtir la cathédrale de Tolède. On entreprend, en 1401, la construction de la cathédrale de Séville, et le chapitre donne lui-même la mesure de l'édifice, en disant « Faisons une église tellement grande que ceux qui la verront achevée nous tiennent pour fous, nous qui la commençons. » Le gothique espagnol est majestueux et sévère dans les provinces du Nord. Il y a peu d'églises d'un aspect plus imposant que Sainte Eulalie et Sainte Marie de la Mer à Barcelone. La CEO de Saragosse est d'une merveilleuse simplicité. Sainte Marie de Pampelune a la nudité robuste d'une forteresse. Mais le goût national a bien vite trouvé pauvre cet art primitif. Les sculpteurs se sont mis à fouiller la pierre et ont donné au gothique espagnol une magnificence incomparable. Le goût, tel que nous le comprenons, ne s'accommode pas toujours de cette exubérante richesse, mais il faut en prendre son parti. L'art espagnol est un art somptueux et splendide, l'art d'un peuple qui a tenu tout l'or des Indes dans sa main et qui n'a jamais su que le dépenser royalement. La littérature espagnole présente, dès la fin du Moyen-Âge, un tableau des plus brillants. La langue, déjà formée, a un caractère remarquable de simplicité et de force qu'elle perdra dans les âges suivants. Un prince du sang royal, Don Juan Manuel, compose un livre charmant, le Conte Lucanor, où, sous forme de conte, d'anecdotes et d'apologues dans le goût oriental, l'homme d'État fait passer dans un badinage sérieux beaucoup de fines observations et d'idées supérieures à son temps. Juan Ruiz, archiprêtre de Hita, qu'on a surnommé le Patron de l'Espagne, pourrait bien en être le Rabelais avec ses contes irrévérencieux et sa joyeuse guerre de Don Carême et de Don Carnaval. Lopez de Ayala écrit son Rimando de Palacio, poème satirique et mystique, mémoire d'un homme de cour qui a beaucoup vu et beaucoup retenu. Un juif converti, Rabbi Don Santob de Carrion, met en action avec une verve extrême les lugubres personnages de la danse de la mort. Le marquis de Villène chante les travaux d'Hercule. La littérature catalane compte à la même époque deux poètes remarquables. Ausias March est l'ami du prince Charles de Vianne, est l'auteur des Cants d'Amor et des Cants Morales. Son œuvre, très goûtée de Philippe II et de son fils, l'infant Don Carlo, est encore aujourd'hui populaire dans tous les pays de langue catalane. Jaume Roig, médecin de la reine Marie d'Aragon, rime son Libre de Consells, curieuse et amusante satire contre les femmes. Les romances, un moment oublié pendant les troubles du XIVe siècle, reparaissent sous le roi Jean II et vont se continuer jusqu'à la guerre de Grenade. Le théâtre, sans cesse proscrit dans l'Église, subsiste en dépit des édits et des anathèmes. La Castille a ses autos sacramentales, le Pays basque a ses pastorales. Enfin, le théâtre profane s'annonce à la fin du XVe siècle avec Rodrigo Cotta et le bachelier Fernando de Rojas qui composent des scènes dialoguées de Mingo Revulgo et de la Celestina. L'histoire a sa part dans ce mouvement littéraire. Ramon Muntaner, mort vers 1330, nous a donné en catalan la chronique ou description des faits et gestes de l'illustre Don Jaime, roi d'Aragon, et de plusieurs de ses descendants. Il a narré avec la naïveté et le charme, mais non avec l'éclat et la richesse de Froissart, la conquête de la Sicile sur Charles d'Anjou, la défense de la Catalogne contre les Français, les exploits de la Compagnie catalane. Alphonse X de Castille fait compiler, en castillan, divers ouvrages latins dont on forme la chronique générale et la grande conquête d'outre-mer, histoire des croisades. Lui-même se distingue comme poète, il a écrit en dialecte galicien des cantiques en l'honneur de la Vierge, desquels date l'essor de la poésie lyrique. Son fils Sanche IV a écrit un ouvrage de philosophie morale, El Bravo, et Alphonse IV a laissé une chronique rimée. Le prince Charles de Vianne a écrit une histoire de Navarre. À l'université de Palencia, 1208, et Salamanque, 1249, s'ajoutent celles de Valladolid, 1430, Saragosse, 1474, et, en Portugal, celles de Coimbre, 1270, et Lisbonne, 1290. Le législateur des Siete Partidas était en outre passionné pour les sciences, s'entourait d'astronomes juifs et arabes, élevait un observatoire, dépensant 40 000 ducats à faire dresser de nouvelles tables astronomiques qui, sous le nom de tables alphonsines, firent oublier celles de Ptolémée. Alchimiste ou chimiste distingué, ses sujets prétendaient qu'il avait réussi à faire de l'or. Fin de la section 40.